Quand dans tes yeux mille écus éclatent en un fleuve d'excuses, ces excuses qui trompent l'amertume et trahissent la sensible écume. Quand dans ton cœur mille envies s'embrasent, le ciel te sourit, ce ciel tes espoirs et we'll be right back.